Eh bien bonjour les amis, vous êtes bien sur Fat Jack, à transport de promotion Code du Beloved. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis, et je suis très content d'être de retour sur Fat Jet. Et aujourd'hui, comme les autres fois, avant que je parte en Angleterre, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir des artistes reggae qui sont juste fabuleux, et j'espère que ça va vous plaire les amis. Allez mes Rasta, je vous propose qu'on commence avec une chanson très très marrante, très bien écrite, de Tairo, qui se nomme Une seule vie. Vous allez voir, faut prendre tout ça au second degré, et c'est juste, faut juste kiffer en fait. Prendre second degré et kiffer, vous allez voir, j'adore cette chanson, elle me fait mourir de rire. Allez, c'est parti les amis. Yeah, all the babies, all my ladies, yeah. Une seule vie, gars, tu me donnes trop chaud. Allez, viens vite glisser dans mon lit. Il s'agit pas de se marier, mais de kiffer ensemble le temps d'une nuit. Dehors il fait froid et j'entends même le bruit de la pluie. Allez, viens te mettre à l'abri, baby. Cale ton petit boule, me fais comme un film d'Hitchcock. Wow, quand tu bouges, je suis toujours sous le choc. N'aie pas peur de venir chez moi. T'inquiète pas, j'ai des capotes, je vais pas te mettre en cloque. Sur le matelas ou dans la cuisine, je te laisse le choix de la scène du crime. Je serai Sherlock Holmes, c'est toi la victime. Et si t'as peur, viens avec une copine. On n'a qu'une seule vie, gal, tu me donnes trop chaud. Allez, viens vite glisser dans mon lit. Il s'agit pas de se marier, mais de kiffer ensemble le temps d'une nuit. Dehors il fait froid et j'entends même le bruit de la pluie. Allez, viens te mettre à l'abri, baby. C'est toi que je veux voir dans le prochain Spielberg. T'es tellement chaude que tu veux fondre les icebergs. Tu es la cause du réchauffement climatique. Tu causes des troubles et ça c'est systématique. Même les papis, mon général de Gaulle, sont repartis pour un tour de la Gaule. Ton corps vaut plus que des millions de dollars. Tu es plus bad que de l'or, on n'a qu'une seule vie. Gal, tu me donnes trop chaud. Allez, viens vite glisser dans mon lit. Il s'agit pas de se marier, mais d'équiper ensemble le temps d'une nuit. À dehors, il fait froid et j'entends même le bruit de la pluie. Allez, viens te mettre à l'abri, baby. Vraiment, tu me rends dingue. Ne perdons plus de temps, c'est bien trop tentant. Allez, viens me rejoindre. Allez, viens me rejoindre. Je n'ai qu'une seule bouche, mais pour toi, baby, je deviendrai vilain. Comment te le dire, approche pas que je déboutonne tes fringues. On n'a qu'une seule vie, gars, tu me donnes trop chaud. Allez, viens vite glisser dans mon lit. Il s'agit pas de se marier, mais de kiffer ensemble le temps d'une nuit. À dehors il fait froid et j'entends même le bruit de la pluie. Allez, viens te mettre à l'abri, baby. Eh bien voilà mes Rasta, c'est Tairo, une seule vie. Allez, notre deuxième artiste est un artiste que j'aime beaucoup, qui se nomme Mellow Mood. Et la chanson est She's So Nice, et c'est une chanson reggae anglaise. Et vous allez voir, c'est juste une tuerie. Quand je partais en Angleterre, je suis tombé dans une famille africaine où ils écoutaient beaucoup beaucoup de reggae. C'était un quartier de noirs en fait, et du coup il y avait que des chansons africaines, des trucs comme ça, reggae, dancehall et tout ça, et c'était juste de la folie. Moi qui adore ça, vous inquiétez pas que j'étais bien à l'aise. Oh yeah. Famille un peu chelou quand même sur les bords, même le quartier, hein, je vous cache pas qu'il y avait des odeurs assez particulières, si vous voyez ce que je veux dire. Et la famille particulière aussi, mais n'empêche que c'était plutôt pas mal. Et du coup, j'ai voulu vous la mettre parce que vraiment, je l'adore. Allez, c'est parti, c'est tout de suite. Let's go. She's so nice and she's one. man, I know how long can me stand before me fall. She make me mind get mad and me heart now go bad. I owe me tell to the woman them. She's so nice and sharp, one get me out of control. Yeah, she wanna know how long can me stand before me fall. She make me mind get mad and me heart now go bad. I owe me tell to the baby them. She's so nice, who can't say no? We spend a little time and I would never let her go. I look in her heart and she open all the doors. Cause it a go so I'm not insecure. But she crying for a while cause she miss me so. And she don't want nobody else but me a little more. Big up on top of the ears and she near me I go short. Cause beautiful, beautiful, that's my talk song. Life with nobody's no life who no expect. Some on the bonnet street alone a smoke cigarette. But first you have to give yourself a big respect. Stand before me for she make my mind get mad and me heart now go bad. I owe me tell to the woman name. She's so nice and sharp one get me out of control. Yeah, she wanna know how long can me stand before me for she make my mind get mad and me heart now go bad. I owe me tell to the baby them. Who she can it, who she want me, who she want me at all. I never take her for granted cause one day she could have for the damn. All the girls smell like a rose but she doesn't need no pose. She blew me stiff arms and take me for hours a day into a world. She smile like a rose and she sing like the birds. Me know her things are gone when she gonna say those words. Every breath we come at the mouth, I go mash me down. Make me jump and twist till me really touch the ground. Is it up and up and up and up and up and up and up? No contest, no race, ain't no competition. All the woman try to do like ever she stylist up yo. When she walk up on the street, every man I say whoa. She swim like the fishes and she fly like a hook. This girl she drive me crazy like no woman before. When me stand before me for she make my mind get mad and my heart now go bad. I owe me tell to the woman them. She's so nice and sharp one get me out of control. Yeah, she wanna know how long can me stand before me for she make my mind get mad and my heart now go bad. I owe me tell to the baby them. Cha-cha-cha-cha, he call me say cha-cha, he don't see it. If we die by your side, we must have a cha-cha, he don't see it. In and out eyes, in and out room, in and out back, you don't see it. Laugh and them, I'll pass them from your face to your feet. Them go to all the rivers and got hung into the sea. Let me see you smiling, yes, see indeed. In and out trend, in and out style, in and out standard, in and out fight. In and out fashion where the generation follow long time. Not even a million. Like, can describe why I'm a fan when she dip on my mind. She make it harder. Me know I see this girl, she make it harder. Eh bien voilà Mera, ça c'était She's So Nice de Mellow Mood. Allez, notre prochain artiste, oui je dis bien, est William Baldé. Eh oui, je pense que vous connaissez la chanson, mais le nom peut-être que ça vous parle pas. Mais la chanson est Rayon de Soleil. Et là normalement ça devrait parler à tout le monde car cette chanson elle est super connue et généralement tout le monde l'aime bien. Et donc je la passe maintenant, let's go. To tell him she

bien prêt pour de nouvelles résolutions. Un esprit de sainteté dans un super corps de champion. Me voilà donc prêt, je me colle devant la télé. Soupe de légumes, bol de thé et qu'on me foute la paix. C'est fou qu'on puisse à ce point être mal le lendemain. Dans son canapé, dans ton canapé, on est bien. À quoi bon sortir, se foutre la guerre? Plus jamais, je vous jure, plus jamais comme hier. Eh bien voilà mes Rasta, c'était Trio Désolé pour hier soir. Allez, notre prochain artiste est Shaggy. Il va nous chanter Boombastic. Allez, let's go. Mr. Boombastic. We want some boombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover, lover. Now Mr. Lover, lover. Girl. Mr. Lover, lover. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Boombastic. Tell me fantastic. Touch me on me box. She says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic. Touch me on me box. She says I'm Mr. Smooth. Just like a silk, soft and cuddly, hug me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me thin or filled with my sexual physique. You know me well, Bill, do me, oh my, well, well, can't you tell? I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under a spell. With your couscous perfume, I love your sweet smell. You're the young, girl who can ring my bell and I can take rejection. So you tell me go to hell, I'm boombastic. Fantastic, touch me on my butt. She says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic. She touch me on my butt. She says I'm Mr. Boom Boom Boom Boom Boom Bastic. Call me fantastic. Touch me on my butt. She call me Mr. Romantic. Call me fantastic. She touch me on my butt. She says I'm Mr. Boom Boom. Mais Rasta, excusez-moi de ce petit dérangement. Petit problème technique, et oui, bah ça arrive, hein, ça arrive, c'est comme ça, c'est le direct. Je suis sincèrement désolé de ce petit problème technique, ce qui m'embête énormément, car moi qui adore cette chanson, bah forcément, fallait que ça tombe là, et fallait surtout que ça tombe pendant mon émission. Bon, c'est pas grave, on va essayer de reprendre un petit peu le truc, on va essayer de régler un peu le problème, surtout, on s'occupe de ça, hein, forcément. En attendant, je vais vous présenter l'artiste qui suit, qui s'appelle Peter Tosh. Et le titre de la musique est Mystic Man. Et je peux vous dire qu'elle a beaucoup de vues et qu'elle date d'il y a 4 ans. Et c'est une chanson que beaucoup de gens aiment. Et Peter Tosh, c'est un artiste qui a été élu le meilleur Rasta, hein, le meilleur chanteur reggae de toute l'Afrique. Et du coup, je passe une grosse dédicace le temps que je peux, tout simplement à Ismaël, qui est un pote de ma classe avec lequel on écoute du reggae. Et je lui passe une grosse dédicace. Et c'est pour lui. Et du coup, je vois que le problème technique a été réglé normalement. Du coup, on passe ça tout de suite. Let's go. Et ça sera notre dernière chanson, donc on se quittera sur celle-là. Go. A mystic man.